Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hind à Brésonc. On est à l'émission 444, Père en Père à Dowegen. On va commencer par Gary Warvue. Moi, je tiens à dire que c'est une émission particulière parce qu'Henri n'a pas de barbe. De quel mot tu vas nous parler aujourd'hui, Henri? J'ai pensé parler d'un mot qu'on entend souvent maintenant, qu'on entendait moins autrefois, et qui est strol. Strol, et qui est à la fois un mot et une racine, et qui a donné lieu à beaucoup de mots dérivés, hein, verbes, adjectifs, etc. Et donc c'est un mot masculin, strol, d'origine incertaine. Même Albert Dehaye, dans son dictionnaire étymologique du breton, dit que c'est d'origine incertaine. Donc si Albert Dehaye ne sait pas, je pense que personne ne peut savoir. Voilà. Donc c'est un mot, peut-être une onomatopée ou quelque chose comme ça. Hein. On ne sait pas trop d'où ça vient. Et donc il y a le sens de ensemble, de collectif, de collectivité. Alors strol. Voilà. Alors, tel quel, il n'est pas très utilisé. C'est souvent des dérivés qui sont le plus utilisés. Par exemple, l'expression « astrol », alors c'est « astrol », mais nous on prononce « astrol », quoi. Hein. Ouais. Le « a » est prononcé plutôt « e », qui veut dire « ensemble »,« solidairement ». Par exemple, on va dire « labour astrol », »,« travailler ensemble hein. ».« Labour astrol » ou « labour astrol », qui est un travail collectif, « travailler ensemble ». En français d'aujourd'hui, on dit coworking. Voilà. Français moyen. Oui. Français anglais quoi. Mm. Voilà, coworking. Hein. Il y a plein de co comme ça. Et alors en breton, on dit des fois assembles aussi, hein, ou gevred aussi. Voilà, stroll ensemble. Alors hein, le dérivé le plus fréquent, c'est strolate. Mm. Hein, strolate, qui est un mot masculin, dont le pluriel c'est stroladou, qui veut dire un groupe, une association, voilà. On entend souvent ça pour la musique d'ailleurs. Oui, on entend souvent ça pour la musique, hein. Voilà. Par exemple, et pour le théâtre aussi, strolade kalak, hein, voilà, on l'a dit en même temps. Voilà, strolade, hein, qui vient donc. Strolade, c'est le contenu de l'ensemble. Hein. Strolade, hein, le suffixe ad qui veut dire le contenu de quelque chose. Il y a Strolader Vropagan aussi. Il y avait aussi, naguère, un parti politique, un petit parti qui s'appelait Strolader Vro, qui publiait un journal qui s'appelait L'Avenir de la Bretagne. Je parle au passé, je pense que ça n'existe plus. Peut-être que ça a été à l'origine du parti breton, je ne sais pas exactement. Mais Strolader Vro, à mon avis, n'existe plus. Ou bien est devenu très confidentiel. Voilà. Alors, on dit aussi Strolade Listri, par exemple, c'est une flotte. Une flotte, pas l'eau en argot, mais une flotte, un ensemble de bateaux. Strolade Chache aussi, hein, une meute. Hein. Mm. Voilà, d'ailleurs, il y a le verbe strolant qui peut être utilisé pour former une meute de chiens. D'accord. Former une meute de chiens, c'est pas seulement mettre des chiens ensemble, c'est les accoutumer les uns aux autres et les habituer à travailler ensemble. Ça vient d'ailleurs, le mot ameuter en français vient de là. Hein. Former une meute. Hein. Voilà. Alors, on a, alors, comme souvent dans les mots dérivés en breton, ça peut s'allonger à foison. On a de strolade, on peut passer à stroladen, hein, qui veut dire une fédération, par exemple, un regroupement de plusieurs associations, par exemple. Or, stroladen, hein, on n'ira pas plus loin, c'est assez long comme ça. Voilà. Alors, les verbes, hein, j'en ai parlé pour les chiens, strolant, hein, ou stroline, hein, regrouper, collectiviser, mettre ensemble. Voilà. Alors, il y a aussi le mot strollen, hein, qui est un mot féminin qui veut dire un lien. On emploie plus souvent liam, hein, mais strollen, c'est un lien. Voilà. Alors, Strollancha, je l'ai déjà dit. Stroller, c'est un collectiviste. C'est assez peu employé dans la vie courante. Voilà. Et puis, Stollerers, hein, c'est un mot masculin qui veut dire le collectivisme. Voilà. Alors, un autre verbe dérivé de Strollan, qui est Kenstrollan, qui est combiné, hein, associer quelque chose pour faire un ensemble nouveau. Hatstrolat, c'est un groupe supplémentaire, hein, un renfort par exemple. Hatstrolat. Distrol, qui veut dire inorganisé. Alors, distrolant, eh bien, c'est disjoindre, hein, défaire quelque chose d'organisé, désorganisé, hein. Ou distrollant, voilà. Et Ken Stroller, organisateur, un facteur de regroupement, quoi, voilà. Alors Hans Stroller. Hein. Bon, voilà des mots dérivés de stroll. Hein. Ce qu'on entend souvent, le plus souvent, c'est strollat quand même. Hein. C'est le plus fréquent. Voilà. Et ben, et alors ce mot strollat, moi je l'aime bien parce que. Bon, une association, c'est l'association, c'est Kevridiges, et je trouve que c'est un mot un peu long. Oui. Et strolat, c'est plus. Et puis c'est chaleureux, strolat en général, c'est associer des gens qui ont quelque chose en commun, quoi. Comme les groupes musicaux, par exemple. Voilà. Voilà, et ben on va arrêter là-dessus pour aujourd'hui. On passe à la deuxième partie d'émission. Présentez temps matin. Deuxième partie d'émission, Brezonek, temps matin. Henri va nous parler de Théo Michel, dont tu nous as déjà un peu parlé dernièrement. Oui, dernièrement, on en avait parlé pour quand on avait parlé du mot ballet, hein, puisque Théo Michel chantait Wacabra Ballet, c'était l'air de Théo Michel. Et puis j'avais envie d'en parler. Il y avait déjà un moment, je pensais en parler, puisque ça fait 40 ans qu'il est mort. En fait, il est mort au mois de mai 1974. Et c'est un chanteur qui était de la génération avant les frères Morvan, par exemple, et Marcel Guyot, puisqu'il est né en 1908, donc plus de 20 ans avant ceux qu'on connaît aujourd'hui, les plus anciens de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui était très dynamique, qui était très chaleureux, et que j'ai bien connu, hein, quand il était, puisque malheureusement il est décédé d'une chute de Solex en 1974. Et donc il était, alors c'était, il était né à Locarne, à Guarame-Tronjoli. Et ensuite il a passé la plus grande partie de sa vie à Pont-de-Mine, donc entre Saint-Nicodème et Locarne, là, c'est sur la commune de Locarne. Et donc il a toujours vécu là, et enfin à la fin de sa vie il habitait Convenant d'Orgo, hein, mais pendant longtemps il a habité à Pont-de-Mine, puisque cette ferme là avait été tenue par son grand-père puis par son père, enfin par ses parents. Et donc il était à la fois cultivateur et chanteur de fesnonces, à un moment où les fesnonces ont recommencé, enfin pas recommencé, mais sont passés des nonzas à la ferme aux fesnonces extérieures, sur en salle, quoi, voilà. Et donc il a chanté. Alors il chantait, moi je l'ai connu, il chantait avec Émile Rioux, hein, qui est décédé depuis aussi, d'ailleurs, qui a fini sa vie à Ploumagoire. Et donc, on connaît, alors c'est intéressant parce que il y a un numéro d'Auriez, le numéro 117, qui a été écrit par Marc Quérin, qui raconte en breton la vie de Théo Michel. Bon, c'est pas très long comme document, mais c'est très très précieux. Et il y a eu aussi un disque qui a été enregistré, par Maurice Braise, donc Théo Michel et Émile Rioux, quoi. Alors aujourd'hui je vous propose d'écouter une face de ce disque, et la prochaine fois on écoutera l'autre face. Donc c'est la première face, c'est Ur Martel Audio, hein, l'histoire bien connue, et puis la deuxième le deuxième morceau, c'est Dawes in Yowank. En fait c'est Ur Plat Hivernied, hein, une histoire très connue aussi dans les chants de Quand la Discorde. Bon, on va les écouter. Bonjour, Deuxième partie d'émission, Petra Zone Vervro Eri. Petra Zone Vervro, Calzadra ou Velgius Boervé, je dis aux hommes, Krogom de Dianton, Velkis à Custum, Gandelor Bourdouar à Gevu et Warmes. Ayo yon vraiment, Pévelar en mode, Bakreisen disca Ramser, à Tosta de Ram de Zegouan. Après, Gwelevé déjà un dudo, commence Jonge alba Gweliufi no Bla, à Benomis en me vimba Bla, Deauville Pemzek. Mais de zivo ratkom ze roas ka ou bien trauzo de dramen babla d'auvil pemzek. Pevekom ze de zelar bourdouar bebzun babrovran ze vedeb tri million de benir digas de ze broyo estren. Hag zizira nantor de ze kidir vedeb de babrovran. Hag pa de tjeise ve kaset kaz yir mes de ze vrans. Hag marado hag ninkugual zur bropet. À ma treizaine vos rêves changent mot, à que zévelir en me vident du de Babro France. Bon, quel vos pèse à mot vos comptes, mais qu'as-je guidé nous organiser. Wardash une économieuse, moi la retarde de ce que quoi le belzo ou à bizeret, à être de blanc, de stal de dolmen, bah, gwengan. Mais vélo change, et bien, had kemer, de stals, à had lance d'un trou, quand le nantor de zun du doit au labourat, de war nugen war per a de hugen un entend de zun dud a spiz au vide riel de hatkav ou de l'arbon bon zizo un drava de vel just plusieurs stal dolmen wa pekrou de spen perugen lasso war da chen or politike res vraiment un helei ar nin ki gualva de vel just ria ou hugen de ze mis du chon mauvais la ria ou du vidist or breis plusieurs et bécole de speed hat cave ou de un département de collet ligue atlantel peslar omni bro nonet les bénéfines mode zoel roise gander jacobinet Ah, sais-tu, bonusque tomspi bétin de Hatkav ou de Brunanglet, ma treize Norvège penait que mes pelles de son. Agar avec quel pessamot de Provence, Joshom, quand le spirit Napoléon, ag bonne Jacobine de Zomez, ou Arpitra, et vel, manbet d'armat, boy à révolution. Bonne vie de bro Alsace, n'est que bigwell à un trop, puis dur bro Alsace, au, ben, vraiment, ben, nos espèces bros aïeul, les dents, hip spirit, nag, identité, le zébit. Ag bonne, tiens val, une trop, ville, n'alsacien, une belle vie de retourner. Wardash et leur politique et reçoit, c'est trop là du débit, ne s'grède y aime, vote, ne vaisseau, bah, préfaille, Brunanglet, vel juste. Hag, podiawang, tribla warnugen, nil kawissin, zo bed hanve, de vid display, gant menoz yu anu debi, diregen dut, pez vi jegret, de oulasso, gant mon abras. Bon, dans mon temps, moi, d'ach en, zévena, dur, vraiment. Végenam, zo regond tandar de stud et de nanan, ou à l'air orvu et pinvidic, à cargemat, j'y oise vé, jauvé, valre de, bu et dud pel roxé. A hu du gontindar en tombe de zor plario en très grande la, zo bevalre de bakreis in wankis, riwan on kadore, zo han of de mal grand calze dud, aga wa or plar l'un startigen, aga ampard war braise, war zevenadur a war en braisonneuk. A la bourade ré, vite cusul en braisonneuk, war la bour inban. Hag valre des bêtes, bah, crazy yawan, qui se nomme autre spontus, hein. Hag d'un trise que vise du, ou a yobid, ou balan modé, zagaz, ou a calz dut. Glahar, dirait que, en planète, un tien cri. Wardash, une, zévena du roise, mise, pétlar, indar, vos grèdes, blancs, bien blancs, mais vos grèdes, vide, d'oïgen quiche, vos grèdes, Gwell un dans spleen, ben dans nout. Hag, bon, spi meus vo mur dut vin eus ebet blam, a ma trezen vi o vo rat gred honkour vid zon erien blam ben dans nout. Wardash en eus evena dur roaz ma sen peus kleve de nabar de neve gred gant war er kabe, gant eus trolatud de zevro, bistro kreis breiz. Ag bon zo tre zo plus justré de Chilo à plusieurs de Chilo oui avec Gwell Edouard Scrum mais de bon une gala gagne braison gag bon trop d'idénus bon c'est tu là en dar Chilo et de mad bistro crise brise vigilant zo vero de une heure d'ar war radio NDL de do do war nu gne vis du puis la rime mort oua fez non zo merde ba la rue une vie de revêche d'Iouzan. Hag az zo bekal ze dud a plija dur zo bet. Hag velar e vel velar kol meus vel kal ze riel meus kol me varo. Ven eus lar an bonte. Bon, or studi zo bet imban gant gant nom bala imban an ur yo ouest France arre oa hanno yo tud ba département Odo en Arvor. Ag gant Jean-Louis Boncarnot et Bégret là pour ça, ag zo plus justré, puis dur vais comme deux mille hang tut, ag dis-moi dis que doit Hamon non vécave de Muon ben département Hamon, mme cette cause ou Catherine Hamon, ag bon ou alerte Hervé hein, ag Rousse, ag Gall à Waller, Thomas, Olir, Olivier Ingalak, Agego. Bon, à calze réel Waller, quoi. Bon, Hendel, Jean-Michel Guilcher, à Rennes, B de Candela, NDL, Jean-Michel Guilcher, ou à Zondin, à nos laboureux calze, ou à Ngunen Danz, Brace, à Gunnus P, ni ou à Scrive, dans Pizlever, Waller, Lorbon, ni ou à Grette, ou à Ngunen Danz, Brazezel. Hag un eus bet kant la NDL, mon chom bremañ ma meudon tal Paris, met on deur a bet pran de vreiz. Hag bon, setu ez deus ged, jonge meus ba blavez yo hanter kant, vije hor tro vro pa de nan, gant ivreg hag daubu geloen. Hag vije film d'un dud o tan sal. a oan beba purud amme a film oa be me sud koz, o tan salbano gerdin, de zeme jonge de nou, mi oa tro degla de houls a moa kaad zebra, ouais. A ma trezen o vech penek a halin ve gwell a film ze pudur, man ba brest. Bon, se tu mem gred on tamp tro oa pesone ba vro, hag a ben vegel volar a oas. Kinoeri.